Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Mo pour montrer ou ban objet ou dis-moi comment zot appelé. Mo pour montrer ou ban objet ou dis-moi comment zot appelé. La clé. Ça c'est N. La clé. Ça c'est N. La clé. Le verre. Ça c'est N. Verre. Ça c'est N. Verre. La montre. Ça c'est N. Monte. Ça c'est N. Monte. Les lunettes. Ça c'est N. Lunette. Ça c'est N. Lunette. Le téléphone. Ça c'est N. Téléphone. Ça c'est N. Téléphone. Le peigne. Ça c'est N. Peigne. Ça c'est N. Peigne. Les ciseaux. Ça c'est N. Ciseaux. Ça c'est N. Ciseaux. Le rasoir. Ça c'est N. Rasoir. Ça c'est N. Rasoir. L'enveloppe. Ça c'est N. L'enveloppe. Ça c'est N. L'enveloppe. Le crayon. Ça c'est N. Crayon. Ça c'est N. Crayon.